dachte immer rot, ja, weil ich ja, rot ja wie warten. Ja, weil ich dachte, dass ich no respeto de que los nietos de la universidad. Yo creo que la persona de Formule Nouvelle, por el Formule que j'ai déjà écrit au tableau la dernière fois, je ne semble pas avoir touché les mêmes protestations. Et surtout-il, être là présenté parce que c'est bien, si simple soit-elle, mais si simple à vivre l'une de l'autre, puisqu'il s'agit simplement d'une permutation circulaire, encore les choses restant dans le même ordre, bien il s'avère que nos capacités d'implémentation mentale ne sont pas telles qu'elle supplée au fait que ce soit le nom écrit au tableau. Nous allons donc continuer, depuis ici, ou ailleurs, enfin, un ici qui est toujours au même temps, le mercredi à 12h30, depuis 17 ans. Vaut bien que je la réévoque au moment où tout le monde se réjouit d'entrer dans une nouvelle décennie. C'est pour moi plutôt l'occasion de me retourner vers ce que m'a donné la précédente. Il y a 10 ans, mes élèves présentaient quelque chose qui ressortait du thème lacanienne, sous le titre de l'inconscient, étude psychanalytique. Cela se passait, mon Dieu, par ce qu'on peut appeler le fait du prince, le seul capable d'un acte libéral. J'ai entendu qu'un acte libéral, ça veut dire un acte arbitraire. J'ai admis aussi que arbitraire, commandé par aucune nécessité. En raison de ceci, aucune nécessité presque pour ce point ni dans un sens ni dans un autre. Le prince, mon ami, a pu être mis à l'ordre du jour à un certain congrès de Bonneval, l'inconscient, l'inconscient, le rapport, au moins pour une part, la rédaction de ce rapport de Guillaume. Depuis, je travaille 7 fois. C'est la vérité, en raison, il fait bien foi de quelque chose. De la façon dont ceux-ci, mes élèves, ont pensé pouvoir atteindre, pouvoir faire entendre quelque chose au sein d'un groupe, il s'était distingué par une sorte de consigne concernant ce que je pouvais avancer sur ce sujet intéressant. Ce qu'il s'agissait de rien moins que la conscience, de l'acte au départ, mon enseignement, ils sont bons, les autres. Eh bien, la réponse, l'intérêt pris par ce groupe à ce que j'ai mentionné, c'était manifesté par quelque chose que quelque part. part récemment, je ne sais plus où, dans une petite préface, je signalais de l'interdit au moins de 50 ans. Nous étions en 60, n'oublions pas. Nous étions loin. Sommes-nous plus près, c'est la question. Loin de toute contestation à proprement parler, une autorité entre autres, celle du savoir. Sorte que c'est interdit au moins 50 ans, transférer à quelque chose de curieux caractère. En tout cas, l'un d'entre eux, la rendant comparable à une sorte de monopole de savoir, c'est interdit tout observé. C'est dire quel était le travail qu'il se proposait de ceux qui avaient bien voulu s'en charger de pouvoir faire entendre quelque chose à proprement parler inouï aux oreilles en question. Et comment ils le firent, c'est quelque chose dont après tout il n'est pas trop tard pour que je fasse le fouet. Puisqu'aussi bien sur le moment, il n'était pas question. La question que je le fasse pour la raison que je n'ai déjà beaucoup de voir entrer en jeu pour des oreilles absolument non averties qui n'avaient rien reçu du moindre de ce que j'avais pu articuler alors depuis 7 ans, ce n'était évidemment pas le moment vis-à-vis cela même qui se livrait à ce travail de défrichage, y apporter quoi que ce soit, tout changer, y trouver à redire. Aussi bien d'ailleurs, il y avait-il là beaucoup d'éléments excellents. Ce point donc, à propos d'une terre. Une thèse récente qui, ma foi, se produit quelque part à la frontière de l'ère francophone, et je dirais là, pour maintenir les droits en lutte vaillamment, à Louvain, pour l'appeler par son nom, on appelle thèse, mon Dieu, c'est ce qu'on appelle peut-être improprement mon œuvre. Dans cette thèse, bien sûr, une thèse, ne l'oublions pas, universitaire, il faut bien avancer des choses qui prennent forme universitaire, et la moindre des choses qui apparaissent, c'est que mon œuvre s'y prête mal. Je viens de voir, défavorable à l'avancée d'un tel propos de thèse universitaire, que soit ce qui, déjà, d'universitaire, a pu contribuer à être le véhicule de la dite œuvre, toujours entre guillemets. Je revois aussi l'un des auteurs de ce rapport de Bonneval, et là aussi, mis en avant, et bien sûr, d'une façon alors qu'à ce titre, je ne peux manquer dans ma préface de marquer le point doit être fait de ce qui est éventuellement traduction de ce que j'énonce et de ce que j'ai à proprement parler. Il est clair que cette petite préface que j'ai donnée à cette thèse qui m'apparaît à Bruxelles, puisque c'est évident qu'une préface de moi lui la neige, les ailes. Eh bien, mon Dieu, dans cette préface, je supportais par exemple, j'ai bien marqué, c'est la sensibilité, que ce n'est pas la même chose de dire que l'inconscient est la condition du langage, ou de dire que le langage est la condition de l'inconscient. Le langage est la condition de l'inconscient, c'est ce que je dis, la façon dont, pour des raisons qui, certes, pourraient, dans leur détail, être tout à fait motivées du strict motif universitaire, et ceci certainement mènerait loin, nous mènera peut-être assez loin pour cette année, le strict motif universitaire dit, découle que la personne qui le traduit d'être formée d'un certain type d'imposition du discours universitaire ne veut faire autre chose qu'elle croit ou non me commenter que de renverser ma formule, c'est-à-dire de lui donner une portée ou une formule strictement contraire à la vérité, sans même aucune homologie avec ce que j'avance. Et assurément, la difficulté propre à me traduire en langage universitaire qui est aussi bien ce qui frappera tous ceux qui, quelque titre que ce soit, et à la vérité, celle dont je parle, était animé par l'extérieur, qui fasse d'une immense bonne volonté, cette thèse donc qui apparaît à Bruxelles, n'en garde pas moins tout son prix. Son prix d'exemple en elle-même, son prix d'exemple aussi par ce qu'elle promeut, de la distorsion quelque sorte obligatoire d'une traduction en discours universitaire, de ce qui est quelque chose de dans ses lois propres. Ces lois dont je dois dire, il me faut effrayer celles qui prétend donner au moins les conditions d'un discours proprement analytique, ceci étant bien entendu soumis au fait que tout de même, comme je l'ai souligné l'année dernière, le fait ici l'énonce du haut d'une tribune comporte en effet ce risque d'erreur, cet élément de réfraction qui fait que par quelque côté, il tombe sur le coup du discours universitaire. Il y a là quelque chose qui est ressorti d'une sorte de foncier porte-à-faux, de lui qui fait que j'ai une certaine position, d'une position certaine, à laquelle je ne m'identifie nullement, je vous assure que chaque fois que je viens ici porter la parole, ça n'est certes pas de quoi que ce soit que j'ai à vous dire, ou qu'est-ce que je vais en dire cette fois-là qu'il s'agit pour moi, mais à cet égard, nul rôle à jouer au sens de la fonction de celui qui enseigne les ordres du rôle, de la place à tenir, et d'une certaine place de prestige, incontestablement, ce n'est pas là que je me demande, mais plutôt quelque chose qui est une mise en ordre, m'impose de devoir la soumettre à cette épreuve, d'une mise en ordre, à laquelle, sans doute, comme tout un chacun, j'échapperais si je n'avais pas devant cette mer d'oreilles, parmi lesquelles il y en est peut-être bien une paire de critiques que je vois devant, avec cette redoutable possibilité, rendre mélange des actions. Au regard de ceci, il y a du psychanalyste, que c'est même la situation qui est la mienne, et que c'est une situation dont jusqu'à présent le statut n'a été réglé d'aucune façon qui lui convienne, si ce n'est à l'imitation, à la semblance de nombreuses autres situations établies, et dans le cas aboutissant à des pratiques frileuses de sélection, à une certaine identification à une figure, à une façon de se comporter, voire à un type humain, dont rien ne semble prendre la forme obligatoire, à un rituel encore, voire à quelques autres mesures, que dans un meilleur temps, un temps ancien, j'ai comparé à celle de l'auto-école, sans provoquer aucune protestation, il y a même quelqu'un de très proche parmi mes élèves d'alors qui m'avait marqué. C'était là, à la vérité, à proprement parler, ce qui était désiré dans le constant de ce recevoir comme alternative le permis de conduire selon des voies prévues et comportant un type d'examen. Les certes notables, je veux dire dignes d'être notés qu'après 10 ans, cette position du psychanalyste, j'arrive tout de même à l'articuler. À l'articuler d'une façon qui est celle de la tradition du discours, disons son discours hypothétique qui vient cette année proposer à notre examen, à savoir de ce qu'il en est de la structure de ce discours. J'arrive à l'articuler de la façon suivante, que l'effet substantiel de l'objet de l'État, en tant qu'ici, dans l'articulation que je donne, puisqu'il est structure de discours en tant qu'elle nous intéresse, disons prise au niveau radical où elle a porté le discours psychanalytique, elle est substantiellement celle de l'objet petit a, en tant que cet objet petit a désigne précisément ce qui, les effets du discours, se présente comme le plus opaque et à la vérité depuis très longtemps méconnue, pourtant essentielle. Il s'agit de l'effet de discours qui est l'effet de rejet. L'effet de rejet dont je vais tout à l'heure essayer de pointer la place et la force. Voici donc ce qu'il est substantiellement, il en est substantiellement de cette position du psychanalyste, et cet objet se distingue d'autres façons de ce qu'il vient à la place d'où s'ordonne le discours, parce que c'est de là que s'en émet, si je puis dire, la dominante. Sentez bien la réserve qu'il y a dans cet emploi. Dire la dominante, ça veut dire exactement ce dont finalement je désigne pour les distinguer. Chacune de ces structures de discours, les désignant différemment de l'universitaire, de l'être, de l'analyste, par des positions diverses de ces termes radicaux. Disons que j'appelle dominante, faute tout de suite de pouvoir donner à ce terme autre chose que ceci, c'est que c'est ce qui me sert en quelque sorte à le dénommer. Dominante n'implique pas la dominance au sens cette dominance spécifierait qui n'est pas sûr le discours maître. Disons, par exemple, on peut donner des substances différentes à cette dominante selon les discours. Que si nous appelions, par exemple, la dominante du discours du maître, en ceci que S1 en occupe la place, la loi, nous aurions quelque chose qui a toute sa valeur suggestive et qui ne manquerait pas de pouvoir ouvrir la porte à un certain nombre d'aperçus intéressants. Est-ce que la loi, entendons la loi en particulier, cette loi même, les murs à laquelle nous recevons abri, cette loi qui constitue le droit et ce n'est certes pas quelque chose dont il doit être tenu, c'est là l'homonyme de ce qui peut s'énoncer ailleurs au titre de la justice et que certes, l'ambiguïté, l'abîment que cette loi s'autoriser de la justice. Et là, très précisément, un point. Notre discours peut-être faire mieux sentir où sont les véritables ressorts. J'entends ceux qui permettent l'ambiguïté. J'entends ceux qui font que la loi reste quelque chose et d'abord et avant inscrit dans la structure, et qu'il n'y a pas 36 façons de faire des lois. Que la bonne intention, l'inspiration de la justice les anime ou pas, il y a peut-être des lois de structure qui font que la loi sera toujours la loi située à cette place que j'appelle dominante dans le discours du maître. Au niveau du discours de l'hystérique, il est bien clair que cette dominante, nous la voyons apparaître sous la forme du symptôme. Que c'est autour du symptôme que se situe le symptôme, ce qu'il en est du discours de l'histoire. Et certes, c'est là l'occasion de nous apercevoir que si cette place est la même, c'est peut-être pour ça qu'à une lumière, il ne suffit pas de dire que ce soit celle de l'époque pour en rendre raison. Ce peut que cette place dominante soit en un cas celle du symptôme, quelque chose à porter et nous faire questionner comme étant celle du symptôme, la même place. C'est dans un autre discours qui vient en effet que nous voyons la loi mise en question comme symptôme. J'ai dit tout à l'heure que cette même place, cette même place dominante peut être occupée quand il s'agit de l'analyste, parce que l'analyste lui-même ici, quelque façon, à représenter l'effet de rejet du discours, soit l'objet de l'histoire. Est-ce à dire qu'il nous sera aussi aisé de caractériser cette place, la place dite dominante, quand il s'agit du discours universitaire, pour lui donner l'autre nom. Un nom digne de quelque façon nous permettrait cette sorte d'équivalence. Nous venons poser comme existant au moins au niveau de la question cette sorte d'équivalence. projet et la location, dans l'acte psychanalytique, c'est bien la place à quoi est destinée. Eh bien, juste notre embarras à répondre sur ce qui fait la dominante du discours universitaire est là quelque chose qui doit nous avertir. Culture milieu de bande. Alors, du mage R, on a pensé avant de développer les points sûrs. C'est là, en quelque sorte, Nico pourrait nous venir de chercher ce qui, dans chacun de ces discours, pour désigner au moins une place, nous paraîtrait tout à fait sûr, aussi sûr que le symptôme dont il s'agit d'ici. Est-ce que, puisque déjà, vous avez laissé voir que dans le discours du maître, le petit tapis, il est précisément identifiable et fait à ce qu'on fait. Une pensée travailleuse, celle de Marx, a senti savoir ce qui en est fait. Ça donne une réellement de la fonction de la plus-value. Nous serions donc déjà en présence de deux termes où il ne resterait peut-être simplement à modifier légèrement, à donner une traduction aisée, à transposer les autres registres. Suggestion ici se forme que puisqu'il y a en somme quatre places à caractériser, peut-être que chacune des quatre de ces permutations nous livrerait au sein de même celle qui est la plus saillante, disons, à constituer un pas dans un ordre de découverte qui n'est rien d'autre que celui qui s'appelle la structure. Eh bien, une telle idée aura pour conséquence de vous faire toucher du doigt, de quelque façon que vous la mettiez à l'épreuve, ceci qui ne vous apparaît peut-être pas au premier abord, c'est à savoir qu'essayer, simplement, indépendamment de ce que chaque pratique vous suggérait pouvoir être celle qui vous intéresse, essayer dans chacune, disons, appelons-les des figures. Dans chacune de ces figures, de vous obliger simplement à ceci, que dans chacune, la place est finie en fonction du terme place, en haut, en bas, à droite ou à gauche. Que dans chacune, la place soit différente. Eh bien, vous n'arriverez pas à, quelle que soit la façon dont vous vous y promenez, à ce qu'elle soit chacune occupée par une lettre différente. Essayez, sens contraire, de vous donner comme condition du jeu de choisir dans chacune de ces quatre formules une lettre différente. Bien, vous n'arriverez pas à ce que chacune de ces lettres occupe une place différente. Et faites dans les textes très aisés à réaliser sur un papier et aussi si on se sert de cette petite grille ou figure qui s'appelle une matrice, de voir tout de suite avec un si faible nombre de combinaisons. certaine liaison signifiante. Et on peut poser comme tout à fait radical, c'est là aussi occasion d'illustrer de ce simple fait ce que c'est que la structure qu'a posé d'une certaine façon la formalisation du discours et à l'intérieur de cette formalisation de s'accorder à soi-même quelques règles destinées cette formalisation à la mettre à l'épreuve se rencontre un tel élément d'impossibilité, voilà, qui est proprement à la base, à la racine, ce qui est fait de structure, et dans la structure, ce qui nous intéresse au niveau de l'expérience analytique. Ceci, pas du tout, parce qu'ici nous sommes à un degré déjà élevé, au moins dans ses prétentions, élevé d'élaboration. Ceci, dès le départ, jusqu'au site. Si nous sommes à nous étreindre avec ce maniement du site, son articulation éventuelle, c'est bien que il est dans les données de la psychanalyse, je veux dire dans ce qui a un esprit aussi peu, je dirais, introduit à cette sorte d'élaboration qui a pu l'être un preuve, étant donné la formation que nous lui connaissons, qui est une formation du type science paraphysique, biologie armée des premiers pas de la physique et de la thermodynamique spécialement, si Freud est à suivre la peine, le fil de son expérience, à former dans un temps qui pourrait être second dans son énonciation, n'en a que plus d'importance, puisqu'après tout, rien ne semblait l'imposer dans le premier temps, celui de l'articulation de l'inconscient, en preuve, dans un second temps, celui d'homme, où est pour lui acquitté celui ceci que l'inconscient lui permet de situer le désir. C'est là le sens du premier pas de preuve, déjà tout entier, non pas impliqué, mais proprement articulé, développé dans le travail de l'État, puis dans ce second temps, celui où l'au-delà du principe Jésus, la preuve a. Que nous devons tenir compte de cette fonction qui s'appelle quoi? La répétition. La répétition, qu'est-ce que c'est? Lisons son texte, voyons ce qu'il articule, ce qui nécessite. La répétition, c'est la jouissance. Terme désigné en propre, c'est en tant qu'il y a recherche de la jouissance, en tant que répétition, que se produit ceci et qui est en jeu dans ce temps de franchissement qui revient, que ce quelque chose qui nous intéresse en tant que répétition et qui s'inscrit dans la dialectique de la jouissance, c'est proprement ce qui va contre la vie. Au niveau de la répétition que Freud se voit en quelque sorte contraint de ceci, de par même la structure du discours, contrainte d'articuler une sorte de hyperbole, extrapolation fabuleuse, et à la vérité qui reste scandaleuse pour quiconque prendrait au pied de la lettre l'identification de l'inconscient et de l'instinct, va articuler cet instinct mort, à savoir ceci, que la répétition n'est pas seulement fonction des cycles que la vie comporte, cycles du besoin et de la satisfaction, mais quelque chose d'autre, un cycle aussi emporte la disparition telle, le retour à l'inanité. Point d'horizon, point idéal, point hors de l'épure, mais dont le sens, à l'analyse précisément structurale, s'indique parfaitement de ce qu'il en est de la jouissance, si nous partons déjà du principe du plaisir, pour savoir que ce principe du plaisir n'est rien que le principe de moindre tension. De la tension minimale à maintenir pour que la vie se maintienne, et montre qu'en soi-même, la puissance déborde et que ce que le principe du plaisir maintient, c'est la limite quant à la jouissance. Si ce que la répétition, comme tout nous l'indique dans le fait, l'expérience, la limite, si la répétition est fondée un retour de la puissance, et que ce qui proprement à ce propos est en preuve et par preuve de lui-même a c'est à savoir que dans cette répétition même, c'est là que se produit quelque chose qui est défaut ou échec, à savoir que en son temps, j'ai pointé la parenté avec les énoncés de Kierkegaard, ce qui se répète ne serait au titre même de ceci qu'il est expressément et comme tel répété, qu'il est marqué de la répétition. Serait autre chose, puisqu'il par rapport à ce que cela répète est en quelque sorte en perte de ce que vous direz, en perte de fait, il y a quelque chose qui est perte, et que sur cette perte est l'origine, est l'articulation de ce que ici je résume, Freud insiste. Dans la répétition même, il y a des permissions de jouissance. Là, on obtient dans le discours freudien la fonction de l'objet fermé. Cela, c'est Freud. Sous-tendu, il n'est pas tout de même besoin de rappeler que c'est expressément autour du masochisme conçu seulement sous cette dimension de la recherche de cette jouissance ruineuse que tourne tout le texte de Freud. Maintenant, vient ici ce qu'apporte cette répétition, cette identification de la jouissance. C'est là que j'emprunte pour lui donner un sens qui n'est pas pointé dans le texte de Freud, la fonction du trait unaire, c'est-à-dire de la forme la plus simple de marque, c'est-à-dire ce qui est, à proprement parler, l'origine du signifié. Et j'apprends ceci qui n'est pas dans le texte de Freud. J'adore ceci qui n'est pas vu dans le texte de preuve et qui ne saurait d'aucune façon être écarté, évité, rejeté par le psychanalyste, hein, c'est que c'est du trait unaire que prend son origine tout ce qui nous intéresse, nous analystes, comme savoir. Car la psychanalyse prend son départ d'un tournant qui est celui où le savoir s'épure, si je puis dire, de tout ce qui peut faire ambiguïté, être pris d'un savoir naturel. Je ne sais quoi qui guiderait dans le monde qui nous entoure à l'aide de je ne sais quel papier qui en nous serait naissance y orientée. Non, certes, qu'il n'y ait rien de pareil. Et bien sûr, quand un psychologue écrit de nos jours, enfin, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, 40, 50 ans, quelque chose qui s'appelle la sensation guide de vie, il ne dit, bien sûr, rien d'absurde. Mais s'il peut l'énoncer ainsi, c'est justement que toute l'évolution d'une science nous fait nous apercevoir qu'il n'y a nulle connaturalité de cette sensation à ce qui paraît le pénètre. L'appréhension d'un prétendu monde, si l'élaboration proprement scientifique, l'interrogation, le sens de la vue, voire de l'ouïe, nous démontre quelque chose, c'est que rien, sinon quelque chose, et que nous devons recevoir tel qu'il est, avec exactement le coefficient de facticité sur lequel il se présente, que parmi les vibrations lumineuses, il y ait un ultraviolet dont nous n'ayons aucune perception, et parfois, un autre bout, l'infrarouge, c'est la même chose, qu'il en est même pour l'oreille, qu'il y a des sons que nous laissons entendre, qu'on ne voit pas beaucoup. Pourquoi ça s'arrête là, au plus loin? Vérité, rien d'autre nécessitable, précisément d'être éclairé d'une certaine façon, que vous dites qu'il y a après tout les filtres, et qu'avec ces filtres, on s'est éclairé. Pour être la fonction de l'organe, c'est bien l'organe de le faire comme on peut. Il n'y a rien commun entre ce quelque chose sur quoi a voulu construire et raisonner quant au mécanisme de la pensée toute une philosophie traditionnelle qui s'était forcée d'édifier par les voies que vous avez, le compte-rendu de ce qui se fait au niveau de l'abstraction, de la généralisation. Cette chose qui s'édifie sur une sorte de réduction, passage au fur, qu'est-ce qu'il en est une sensation considérée comme basale, mais il verrait une intellectuelle, ou une non-prieuse, etc., vous savez la chose, il s'insulte. Est-ce que c'est ce sujet-là, ce sujet déductible au titre de sujet de la connaissance, ce sujet constructif, façon qui me paraît maintenant si artificielle, partir de bas, qui sont bien en effet pareil d'organes vitaux, on voit mal en effet ce que nous voulions faire, passer, Est-ce que c'est cela dont il s'agit quand il s'agit de cette articulation signifiante, celle qui, premier terme, dépeint l'action, qui sont ceux que nous entendons ici, commencer les termes les plus élémentaires, ceux qui nous insignifiant à un autre livre qui déjà porte effet, effet déjà en ceci, qu'il n'est maniable ce signifiant dans sa définition. Car ceci, que ça ait un sens qu'il représente pour un autre signifiant un sujet et rien d'autre, il n'y a pas moyen d'échapper à cette formule extraordinairement réduite qu'il y a quelque chose dessous, mais justement que nous ne pouvons pas désirer. Donc un terme de quelque chose saurait être un espace, c'est simplement un en-dessous, si vous voulez, un sujet. Ceci que même à une pensée aussi investie de la contemplation, des exigences, celle-là primaire, non pas du tout construite, de l'idée de connaissance, de celle d'Aristote, la seule approche de la logique, le seul fait qu'il ait introduit un circuit du savoir, lui impose de distinguer sévèrement l'hypokéiméon de tout ousia en soi-même, quoi que ce soit qui soit essence. Le signifiant donc s'articule de représenter un sujet auprès d'un autre signifiant, c'est de là que nous partons pour donner sens à cette répétition inaugurale en tant qu'elle est répétition visant à la jouissance qui nous permet de concevoir ceci, que si le savoir à un certain niveau est dominé, articulé de nécessité purement formelle, les nécessités de l'écriture, de ce qui aboutit de nos jours à un certain type de logique qui est en soi, maintenant et avant tout maintenant, de l'écriture. Ceci, ça, auquel nous pouvons donner le support d'une expérience qui est celle de la logique moderne, que ce type de savoir, c'est celui-là qui est en jeu quand il s'agit de mesurer dans la clinique analytique l'incidence de la répétition. En d'autres termes, le savoir qui nous parle le plus épuré, encore qu'il soit bien clair, alors que nous pouvions le dire, d'aucune façon de l'empirisme par épuration. Ce même savoir se trouve être quelle origine introduit, qui montre sa racine en ceci que dans la répétition, sous la forme du trait, une aire pour commencer, le savoir se trouve être le moyen de la jouissance. De la jouissance. En tant qu'elle dépasse, limite imposée sous le terme de plaisir aux tensions usuelles de la vie. Et c'est ici que pour continuer de suivre la conscience, ce qui appartient de ce formalisme, si nous avons dit tout à l'heure qu'il y a perte de jouissance, puisque c'est à la place de cette perte que ce quelque chose produit la réception, que nous voyons surgir la fonction de l'objet perdu, ce qu'il appelle le constat. Eh bien, qu'est-ce que ça nous impose? Sinon, c'est fort. Que le savoir, travaillons, le niveau le plus élémentaire, le niveau de cette imposition du très-net, eh bien, le savoir, travaillons, produit un travail beaucoup plus souvent, produit disons une entropie qui entre nous peut être ENTRO. Vous pouvez aussi décrire ANTHRO. Ce serait d'ailleurs un joli jeu de mots. C'est pas pour nous étonner parce que dites-vous quand même que l'énergétique, ça n'est absolument pas autre chose. Quoi qu'on croit, les cœurs ingénus d'ingénieurs, ça n'est absolument pas autre chose que le plaquage sur le monde du réseau des solutions. Je vous défie de prouver d'aucune façon. En tout cas, mettez-vous ici et là, je suis à l'ouvrage et vous verrez que vous aurez la preuve du contraire. Que c'est absolument la même chose de descendre un poids de 80 kg sur votre dos de 500 mètres. Et une fois que vous l'avez remonté de 500 mètres, vous dites, il y a eu zéro ou qu'un travail. Que vous saignez. Enfin, si vous plaquez là-dessus les signes, c'est-à-dire si vous entrez dans la voie de l'énergie, il est absolument certain qu'il y a eu des erreurs. Par ailleurs, la faculté de voir quelque chose apparaître. Coupure milieu de bande. Quand le signifiant s'introduit comme appareil de la puissance, savoir apparaître quelque chose qui a un rapport avec l'entropie. Parce que là où on a défini l'entropie, c'est pour quand on a commencé par plaquer sur le monde physique cet appareil de signification. Vous ne croyez pas que je plaisante. Parce que quand vous construisez une usine, n'importe où, vous, naturellement, vous en reconnaissez de l'énergie. Même vous pouvez en accumuler. Ben, c'est quand même une usine et les appareils, tout au moins, qui sont mis en jeu pour que fonctionnent ces sortes de turbines jusqu'à ce que mettre l'énergie en pompe, c'est bien parce que ces appareils sont fabriqués avec cette même logique. On parle soit fonction du cycle. De nos jours, une machine n'a rien à faire avec un outil. Il n'y a aucune généalogie de la paix à la turbine. La preuve, c'est que très légitimement, vous pouvez appeler machine un petit dessin que vous faites sur ce papier. Rien, il suffit simplement que vous ayez une encre qui sera conductrice pour que ça soit une très très efficace machine. Mais pourquoi ne serait-elle pas conductrice? Puisque la marque, déjà, soit-elle conductrice de volonté. S'il y a quelque chose que nous apprend l'expérience analytique, ce monde du fantasme, Donc, la vérité, il ne semble pas qu'on ait abordé. C'est bien qu'on ne savait absolument pas comment s'en dépêtrer. Sinon, le recours à la bizarrerie, à la domaine, de par ce terme, c'est par réglage de nom propre, les masochistes, ceci, ça, ceci, cela, nous sommes au niveau de la zoologie, nous étions saisis. Enfin, il y a quelque chose c'est l'association dans ce qui est à la base, à la racine même du fantasme, cette gloire, si je puis m'exprimer, de la marque. La marque sur la peau où s'inspire dans ce fantasme ceci qui n'est rien d'autre qu'un sujet s'identifie comme étant objet de jouissance. À cette pratique érotique qui nous sert de l'époque, la relation, pour l'appeler par son nom, l'ambiguïté même, par quoi c'est à son niveau et à nul autre, que se touche l'équivalent du geste qui marque et du corps, objet de jouissance de qui? De celle qui porte ce que j'ai appelé la gloire de la marque. Que cela veuille dire jouissance de l'autre, c'est par là, c'est une des voies d'entrée de l'autre dans son monde, et assurément, elle non évidente. Et l'affinité de la marque avec la jouissance du corps même, c'est là précisément où s'indique. C'est seulement de la jouissance et nullement d'autre voie que s'établit cette division dont se distingue le narcissisme de la relation à l'objet. La chose n'est pas ambiguë. Au niveau de l'au-delà du principe du plaisir que preuve marque avec force de ce qui fait, au dernier terme, le vrai soutien, la consistance de l'image cellulaire de l'appareil du moi, c'est qu'il est soutenu à l'intérieur, il ne fait qu'habiller cet objet perdu qui est ce par quoi s'introduit dans la dimension. Car il est clair que si la jouissance est interdite, ce n'est que d'un premier hasard, d'une éventualité, d'un accident que la jouissance entre en jeu. L'être vivant qui tourne normalement, ronronne dans le plaisir. Si la jouissance est remarquable, et si elle s'entérine d'avoir cette sanction du trait unique, de la répétition, de ce qui l'institue de l'or comme marque, si ceci se produit, ce ne peut être que d'un très faible écart dans le sens de la jouissance que cela s'origine. Ces écarts, après tout, ne sont jamais extraits, même dans les pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Ce dont il s'agit, ce n'est pas une transgression, d'une irruption dans un champ interdit de par les regards, les appareils vitaux régulateurs. c'est qu'en fait, c'est seulement dans cet effet d'entropie, dans cette déperdition, que la jouissance prend statut, qu'elle s'indique. Et c'est pour cela que je l'ai introduit d'abord du terme de verre lustre, de plus de jouir. C'est justement d'être aperçu dans la dimension de la perte que quelque chose nécessite à compenser, je veux dire, ce qui est d'abord l'ombre négative sur ce je ne sais quoi qui est venu frapper, résonner sur les parois de la cloche qui a fait jouissance, ces jouissances à répéter. C'est seulement cette dimension de l'entropie qui fait prendre corps. Il n'y a plus de jouir à récupérer. C'est là la dimension dont se nécessite le travail, le savoir travaillant. Et comme tel, en tant que qu'il le sache ou pas, il relève premièrement du très bien et à sa suite de tout ce qui va pouvoir s'articuler de signifiant. C'est à partir de là que cette dimension de la jouissance si ambiguë chez l'être parlant peut aussi bien théoriser, faire religion, de vivre dans l'apathie. Car l'apathie, c'est l'hédonisme. Il peut aussi bien faire religion de cela, et pourtant chacun sait que la masse naît. Masse psychologique intitule ses écrits de la même époque dans sa masse même ce qui l'anime, ce qui le travaille, ce qui le fait d'un autre homme de savoir, de ces savoirs harmonisants qui lient à l'ouvrette, c'est la fonction du plus de jouir comme tel, c'est la l'aberrance, sans doute, et d'abord, viennent remplir un certain nombre d'objets qui sont en quelque sorte par avance adaptés pour servir de bouchon. Et là, sans doute, une pratique analytique classique s'arrête à mettre en valeur ces noms, ces termes divers, oral, anal, copique, voire vocal, ces noms divers. Nous pouvons désigner comme objet ce qu'il en est de tout ça. Et le est proprement ceci. Écoute, de ce que le savoir se présente, d'abord et dans son origine, un certain esprit à l'articulation. Ce savoir est moyen de justice. Et je le répète, quand il travaille, c'est l'entropie. Et cette entropie, c'est le seul point régulier, ce point de perte, par où nous ayons accès à ce qu'il en est de la jouissance. En ceci se traduit, se boucle et se maudit qu'il en est de l'incidence du signifiant dans la question de l'être parlant. Ça a peu à faire avec sa parole. Ça a à faire avec la structure laquelle ça paraît et fait que l'être humain elle insiste sans doute parce qu'il n'est que l'humus du langage. Elle n'a qu'à s'apparenter à cet appareil-là. Avec quelque chose d'aussi simple que mes quatre petits signes, j'ai pu vous faire toucher tout à l'heure, qu'il suffit que ce trait humain ne lui donnions compagnie, compagnie d'un autre train. Est-ce que la presse, pour que nous puissions si nous étions aussi ici, ce qui en est son sens d'une part, de son insertion dans la jouissance de l'homme, de ce par quoi il est le moyen de la jouissance. À partir de là, commence le travail. Vous savez, le savoir en tant que moyen de la jouissance, que se produit ce travail. Il y a un sens obscur, qui est celui de la vérité, sans doute, si déjà ces termes n'avaient pas été par moi abordés divers jours, les éclairs, n'auraient certainement pas l'audace de les introduire ainsi. Tout un travail a été fait, déjà considérable. Quand je vous parle du savoir, comme ayant son lieu premier dans le discours du maître au niveau des esclaves, qui, sinon Hegel, nous a montré que ce travail de l'esclave, qu'il va nous livrer, c'est hérité du maître, sans doute pour celle qui le refuse. On pourrait dire, nous sommes en état, et peut-être, de pouvoir avancer d'autres formes du schéma du discours, d'apercevoir l'idée qui reste béante. Clôturer d'une façon forcée la construction hégélienne. Assurément, il y a quelque chose que toute notre approche est mise. Et assurément, elle a été par l'expérience analytique renouvelée, c'est une évocation de la vérité et de l'espère a indiqué qu'elle n'est accessible que d'un midi. On ne peut se dire tout entier, dont la raison qu'au-delà de sa moitié, il n'y a rien à dire. Tout ce qui peut se dire est cela. Par conséquent, ici, le discours s'abolit. On ne parle pas de l'indicible, le plaisir que cela semble faire à certains. Il n'en reste pas moins que ce nœud du midi que j'ai la dernière fois illustré, d'indiquer comment il faut en accentuer ce qu'il en est proprement de l'interprétation. J'ai articulé l'énonciation sans énoncé, ou l'énoncé avec réserve de l'énonciation. Quand j'ai ajouté le point d'axe, le point talent, l'axe de gravité propre de l'interprétation, c'est quelque chose dont notre avancée doit profondément renouveler ce qu'il en est la vérité. L'amour de la vérité, c'est quelque chose de faux, de ce manque à être la vérité. Ce manque à être, que nous pourrons aussi appeler autrement. Oh, ce qui se rappelle la nuit dans les formations de l'inconscient. Mais rien. L'histoire de l'ange. D'un être humain d'aucune façon. Qu'est-ce que c'est que ce désir indestructible par le Freud pour conclure les dernières lignes de ce travail d'œil. Qu'est-ce que c'est que ce désir que rien ne peut changer l'Égypte en le touchant. Ce manque d'oubli, c'est la même chose que ce manque à être, car être n'est rien d'autre que d'oublier. Cet amour de la vérité, cet amour de cette faiblesse, cette faiblesse dont nous avons su lever le doigt. Ceci que la vérité cache, qui s'appelle la castration, ne devrait pas avoir besoin de ces rappels. C'est en quelque sorte tellement l'ivresse. Il semble que chez les analystes, c'est particulièrement chez eux. Ces quelques mots tabous dont on barbouille son discours, ils ont justement l'air qu'on s'aperçoit jamais de ce que c'est la vérité, l'impuissance. C'est là-dessus que s'édifie tout ce qu'il en est de la vérité. Il y est amour de la faiblesse. Sans doute est-ce là l'essence de l'amour, et comme je l'ai dit, l'amour c'est bien donner ce qu'on n'a pas, savoir ce qui pourrait réparer cette faiblesse originelle. Du même coup, ce qu'on soit s'en trouve, ce rôle, je ne sais si je dois l'appeler plus mystique ou mystificateur, qui a été donné de tout temps dans une certaine veine à l'amour même. Car cet amour universel, comme on dit, pour nous brandir le chiffon, pour nous calmer, cet amour universel, c'est précisément ce don. Nous faisons voile, voire obstruction à ce qui est la vérité. Qui est demandé aux psychanalystes, qui est indiqué déjà la dernière fois dans le discours, ce n'est certes pas ce qui ressortit à ce sujet supposé savoir dont, à manquant, vous faites un petit peu à côté, cru pouvoir fonder le transfert, soit insister sur ceci, que nous sommes supposés savoir pas grand-chose. Que l'analyse instaure, institue, c'est ceci, qui est tout le contraire. L'analyste dit à celui qui va commencer, allez, dites n'importe quoi, ça sera permis. C'est lui qui l'institue comme sujet supposé savoir. D'après tout, c'est pas tellement mauvais espoir. Parce que dans le temps présent, c'est parce qu'il y a quelqu'un. pensée se fonde sur ceci qu'il y a un type qui a motte. Un mot, vous dites me comporter comme si je savais quoi c'est. Est-ce que vous me dire n'importe quoi, ça donnera ce genre de personne. Quoi, vous êtes transfert, hein? Ça ne s'arrête pas tous les jours. Ce qui définit l'analyste, comme je l'ai dit, j'ai toujours dit depuis toujours, simplement personne n'a jamais rien compris. Et puis en plus, c'est naturel, c'est pas ma faute. Ce qu'on attend d'un psychanalyste, il faudrait évidemment essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est tellement, enfin, là comme ça, à la portée de la main, que c'est même le sentiment d'avoir toujours. Enfin, c'est le travail. Le but de jouir, c'est pour vous. Ce qu'on attend d'un psychanalyste, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, de faire fonctionner sans savoir. Bien pour ça, il se confine à un midi, comme je le disais la dernière fois. Comme j'avais à leur venir, parce que ça a une conséquence. C'est à lui que s'adresse. Et seulement à lui cette formule. C'est souvent commenté, beau espace, solide. Il y a d'ailleurs un peu plus de cette place en haut à gauche. Il détermine son discours. Ou justement, de n'être absolument pas là pour lui-même. Là où c'était. De jouir. De jouir. Là où c'est.